pas. Bon, bon, Thank you.

si je fais la voix. Thank you.

Thank you. Oh. Jean. Qu'est-ce qu'il y a? Arigato. Fiu. Vielen Dank.